cette histoire vous a plu, ne manquez pas de vous procurer les prochaines nouveautés. Nous vous recommandons spécialement. Deux filles en plein délire s'en donnent à cœur joie. Termine pas ta banane. Viens m'en mettre un bout dans la chatte. Tu la mangeras là, doucement, en me suçant. Allonge-toi. Fais voir ta grenouille. Pendant que j'enfile ma jambe de bois. Oh chic, on va baiser. Oh ma cocotte, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vas-y, enfonce ta banane. Ouh, elle est froide. Merde, elle m'a échappé. Quelle cote. Quand survient l'insolite. Allez hop, le cul à l'air. Oh, Adora. Oh, me bloque pas les fesses. Si un client entrait. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Mon slip. Quoi, ton slip? Enlève-le du comptoir. Oh merde. Bonjour, mademoiselle. J'espère qu'il va pas vouloir l'acheter. J'ai pissé dedans. Pour en savoir davantage... Répète pour voir. Sur le con musical... Ça alors, ma vieille? T'as le con musical? J'en suis tout émue. Sur l'orgasme en période de ménopause... T'as déjà vu la pine d'un japonais? Non, jamais. Et toi? Moi non plus. Tu veux en voir une? Non, mais t'es folle. Ne t'inquiète pas, je parie qu'ils ne demandent que ça. Il paraît que là-bas, ils sont fous des blondes. Avec la gueule que tu as, tu vas le faire bander à perdre haleine. Amène-toi, mine de rien. Je tire le rideau. Alors, ce pantalon. Oh, excusez-moi. Ne manquez pas. Tire-moi sur les coucouillettes et ma chevillette éjaculera. Capote japonaise, meilleure que capote anglaise. Pouvoir servir plusieurs fois, ta ta ta. Et pipe française. Ah, oh, pipe française. Ah, oh, pipe française. Pipe française. Excite abondé dans mes gencives. Oh, je peux plus la prendre dans la bouche. Prends-la dans le cul. Oh, oh dans le cul. Oh, oh, oh, oui, dans le cul. Autre nouveauté. Si vous voulez passer... Hein? Si vous voulez passer quoi? Hein? Un moment. Oui? Oh, oh. Ben quoi, t'aimes pas ce que je te fais? Oh, un moment agréable. Ah, je le savais. Et alors, un moment agréable après? Oui. Alors, agréable, qu'est-ce qu'il oui. faut faire? T'aimes ça? C'est bon? Alors? Alors? Agréable. C'est agréable? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer un moment agréable? Hein? Alors, commandez, dis-le, salope, dis-le. Dès maintenant. Commandez, dès maintenant. Dès maintenant? Une histoire qui vous fera bander de la queue et mouiller de la minette. Qui va à la chiosse perd sa place. Si vous voulez passer un moment... Ah, oh, un moment agréable. Oh oui. Pénélope? Oui, Angélique? Que fais-tu de beau, ma chérie? J'étais en train de me branler en pensant à toi. Et à part ça? Je me rentre un doigt dans le cul en pensant à toi. Mais tu ne penses qu'à ça? Non, je ne pense qu'à toi. Tu as le plus beau cul que je connaisse. J'ai envie que tu me fasses dessus. D'ailleurs, je suis certaine que Monsieur Balbès est friand de ce genre de spectacle. Mais j'avoue que je n'ai encore jamais vu ça. Installe-toi à califourchon sur moi. Oh, je veux voir ton cul s'ouvrir. Monsieur Balbès, branlez-vous au-dessus de ma figure. Oh, je veux sentir le sperme couler sur mon visage pendant qu'elle me chie sur les seins. Oh oui, agréable. Oh oui. Oh oui. Ah, ah, ah. Eagle Film vous présente... Orgie SS pour le Führer de Wiss. Une aventure à ne pas manquer. Un univers violent, la guerre. Des hommes qui saccagent tout sur leur passage. Clique ! Allez ! par le con pendant que je l'encule. Ne touchez pas. Écarte les cuisses. Non, non. Aïe, oh la garce, elle m'a mordu. Tiens, salope. Tiens. Ne me touchez Allez, pas. Vas-y, encule-la, je la tiens. Non, non. Attends, en fait, elle serre les fesses. Pique-lui le cul avec ton insigne. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Des hommes qui connaissent des plaisirs pervers. Je sens la chair de ton anus qui se dilate et se rétracte autour de ma bite. Et ça me fait jouir. Sors ta bite de mon cul. Allez, dépêche-toi. Enfile ton pantalon, tu t'essuieras après. Oh, mais j'ai la bite qui pue la merde. Et moi alors, j'ai pas le cul qui pue son sperme. Mais qui connaissent aussi le plaisir, la tendresse. C'est ce soir que vous tendez l'embuscade? Eh oui. Oh, Rinaldo, ne te fais pas tuer. Oh, ne dis pas de bêtises et ne t'accroche pas à mon cou. L'amour. Rinaldo, je t'aime. Je sais, moi aussi je t'aime. Pas comme moi. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais l'amour. Mais quel âge as-tu maintenant, Sylvia? Quelle importance? Je suis une femme déjà. Regarde mes seins. Sylvia, Sylvia, cache ça tout de suite. Tu as peur, hein? Tiens, regarde-moi nu. Oh, Sylvia! Embrasse-moi. Oh. Embrasse-moi. Sylvia. Rinaldo. Oh, Sylvia. Oh. Comment vous y allez, Jimmy? Oh. Well, comment j'y vais, mais par le cul, bel Antonin, là. Ah, Italie, Italie, c'est bien comme ça que je t'aime. Ah, j'adore t'enculer. Oh, pas culer, culer, enculer. Et puis arrête de mâcher du chewing-gum quand tu m'encules. Ah, pas chewing-gum, ma chérie. Chewing-gum. Attention, exigez toujours... Cassex Eagle Film.